Il y a une belle activité qui va se faire au mois de juin prochain. C'est des gens, des femmes d'un peu partout qui ont décidé d'organiser une levée de fonds pour combattre le cancer du sang. C'est fait en collaboration avec l'UQAM. Et c'est 300 km de course à pied qui va se faire et qui va partir de Chicoutimi. Il y aura des équipes de Dolbeau-Mistassini qui vont y participer. Entre autres, c'est Geneviève Daou qui est une des responsables ici à Dolbeau-Mistassini. On va lui parler. Salut Geneviève! Bonjour! Geneviève, explique-moi un peu cette course-là. Bon, dans le fond, c'est un ultramarathon. On sait qu'un marathon, c'est 42 km. Ultramarathon, la distance est... C'est un ultramarathon qui se fait à relais autour du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est plus de 300 km à parcourir en équipe, soit okay. Des équipes de 4 ou de 8. Nous, on est une équipe de 8 femmes, 8 mamans, entièrement de Dolbeau-Mistassini, qu'on s'est inscrit à cet ultramarathon-là, qui se fait autour du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pendant 2 jours, 32 heures, 300 km à relais. C'est des jeunes femmes? C'est toutes des femmes? Il n'y a pas d'hommes là-dedans? On est toutes des femmes. Ben, okay. Notre équipe, on est des femmes, mais les autres équipes au Saguenay ou à Jonquière, Robertval, ça peut être mix aussi. Là. Ça peut être des hommes, des femmes... soit entièrement des équipes de femmes ou entièrement des équipes d'hommes. C'est vraiment varié. Nous autres, on est une gang de copines qui courent ensemble. On s'est dit, pourquoi pas faire une équipe puis aller s'inscrire à l'ultramarathon. Puis c'est ça, on était 8 femmes, 8 mamans, puis on était sélectionnés pour participer à l'ultramarathon. De où est venue ta motivation? Ben ma motivation, puis celle de mon équipe, je pense, c'est à la recherche. On t'a perdu, Geneviève. Tu voudrais-tu... qui court en... On t'a perdu. J'aimerais que tu reviennes et tu recommences. C'est où est venue ta motivation, en fait? Ben la motivation pour moi et mes copines, c'était la recherche de nouveaux défis. Là. Depuis quelques années, on participe à des courses autour de la région, les 5, les Pichoux. Plusieurs d'entre nous ont fait des demi-marathons, quelques-unes marathons aussi. Étant à la recherche d'un nouveau défi puis un nouveau trip de gang, ben là, c'est ça. Là, on a vu qu'il y avait l'ultramarathon. On avait aussi d'autres copines qui participaient à cet ultramarathon-là, qu'on entendait aussi parler. Puis on s'est dit, pourquoi pas nous, pourquoi pas ce défi-là pour le faire en équipe avec nos copines. OK, OK. Puis j'imagine, j'ai vu une levée de fonds mener, il y a des cannes un peu partout. C'est quoi ton objectif de ramasser des fonds pour le camp? Notre objectif pour notre équipe, on avait un minimum de 4 000 $ à ramasser. Ben là, on a fixé l'objectif à 5 000. OK. On est tout prêt, on y arrive. Ah, déjà? Là. OK. Donc, ça a bien été quand même, là. Oui, ça a quand même bien été. Cet automne, on... à Dolbeau et Mississini, et puis la réponse a été favorable. On a une trentaine d'entreprises... qui ont formé un partenariat avec nous pour nous donner des sous pour notre levée de fonds. OK. Fait que ça va quand même bien. OK. Ça a bien été. Dis-moi, du côté de l'entraînement, t'as dit avant d'entrer en onde, j'ai commencé à m'entraîner toute notre équipe. Donc, c'est quand même beaucoup de kilomètres. C'est 300 kilomètres que vous allez faire. Vous êtes 8 là-dedans, c'est bien ça. Comment que ça va se faire? L'entraînement... C'est quoi votre entraînement, là, en fait? C'est-tu de la course à pied? C'est-tu du gym? C'est quoi? Ben, c'est principalement de la course à pied. Nous, les huit femmes, à toutes les semaines, depuis quelques années, on va au club 10 000, là. C'est un groupe, c'est un club de course à l'école des chutes. Ça fait plusieurs années, là, qu'on s'y entraîne, là, à raison de 2 fois par semaine. Et à pas mal toutes les fins de semaine, je te dirais, on se regroupe. Puis on va courir dans les rues de Dolbeau-Mistassini un peu partout. Alors, on a déjà ce fond-là. Là, pour l'ultramarathon, l'organisation nous a fourni un plan d'entraînement qu'on peut suivre, mais on n'est pas obligé. Alors là, nous autres, cet automne, on a poussé un petit peu mollo, mais c'est ça, de janvier vient de commencer. Là, c'est ça, là, on se rejoint au club 10 000, on court au moins 2 à 4 fois par semaine. Là, 2 fois par semaine au club. La fin de semaine, on essaye de courir ensemble. Il y a des filles qui vont courir 4 fois par semaine, d'autres filles 3. OK. Puis c'est ça. À mesure qu'on va avancer là, plus, tout près de l'ultramarathon, ben là, on va essayer de courir plus ensemble. On va probablement faire des simulations de relais aussi là pour voir comment ça va aller, parce que le défi, ça va être de courir avec la fatigue la nuit aussi. Ben oui, c'est ça justement, là, parce que le défi Pierre-Lavoie, si on compare avec le défi Pierre-Lavoie, ce que les tous ceux et celles qui ont participé au défi Pierre-Lavoie disent que c'est très difficile, c'est de pas dormir. Donc j'imagine que c'est un peu le même principe aussi. Là. C'est ça, c'est le facteur, clé, ça va être le facteur, ça va être le niveau de difficulté là, au niveau de la fatigue. Alors ça, c'est sûr qu'il va falloir se pratiquer à courir en état de fatigue. Fait que c'est vraiment prévu dans le plan d'entraînement que sûrement on va aller courir là. OK, OK. Alors courir un peu dans la journée, courir le soir. Puis ça, cette préparation-là, ça va être plus tard, j'imagine, aussi, là, quand il va faire moins froid la nuit, là. Oui, c'est ça. On va essayer d'avoir des températures clémentes. Là. Pour l'instant, là, c'est ça. Là, on commence notre entraînement. OK. Janvier, février. Probablement dans le mois de mars, avril, ben là, c'est ça. Plus qu'on va se rapprocher, plus les entraînements vont être intenses. Puis là, c'est sûr qu'on va essayer d'aller courir plus le soir, la nuit, là, pour simuler un état de fatigue. Là, dans le fond, voir comment notre corps réagit aussi, là, pour être bien préparé pour le défi en juin. Former ton équipe de 8, ça a été dur? Vraiment pas. Ça a été vraiment facile. C'est okay. Ça, on est tous des filles qui se côtoient, des mamans qui se côtoient au club 1000. Okay. Alors, ça s'est fait comme naturel. Là, une a commencé à en parler. Fait que toutes les filles, on s'est comme toutes dit, bon, ben, go, on embarque, on forme une équipe. On avait notre équipe de 8. OK, bon, ça se fait bien. Ben, Geneviève, si on veut te donner des fonds, moi, j'en ai vu une canne sur chez ma coiffeuse, mais j'imagine qu'il y en a un peu partout dans les commerces de Boom Sisney. Non, il y avait une canne, c'est ça, chez la coiffeuse. Oui. Une canne, non, on n'en a pas mis vraiment dans les entreprises un peu partout, là. OK. Le monde peut faire des dons via notre page Facebook qu'on a. C'est quoi ta page Facebook? Ma page Facebook. Elle s'appelle quoi? Ma page Facebook, c'est Ultramarathon Leucan 2019, les gazelles du Club du Mille. Les gazelles du Club du Mille, OK. C'est ça, il y a l'adresse pour faire un don directement à Leucan, si vous voulez bien. OK. Ben, Geneviève, on va te souhaiter la meilleure des chances, toi et ton équipe, et au plaisir de peut-être se reparler. Ben, merci beaucoup. Geneviève Daoui, elle et son équipe vont participer au défi Leucan qui aura lieu en juin.